Radiomatique. C'est sur la musique du projet argentin Structural Fault mené par l'artiste José Luis Colqué que s'ouvrait la transmission 386 d'Audiomatique. La pièce entendue, soit The Weeping Nocturne of Arbor Streets, apparaît sur le premier album de Structural Fault intitulé Introversion, sorti en 2011. C'est la musique du groupe anglais 808 State qui assure la continuité à Audiomatique. Audiomatique, nous entendions un segment composé de groupes mancuniens, soit pour terminer la formation de Future Sound of London, de qui nous écoutions la pièce Slider, qui est tirée de l'album ISDN, sorti en 1994. La particularité de cet album est que les pièces qui le composent ont été éditées à partir de diverses émissions en direct que le groupe avait diffusé sur des stations de radio du monde entier en utilisant le réseau numérique à intégration de services, ou en anglais, le Integrated Services Digital Network, ou ISDN, qui est un réseau de télécommunications constitué de liaisons numériques et qui était à l'époque une technologie relativement nouvelle. La pièce Slider que l'on entendait a été enregistrée sur la station V-Pro Radio aux Pays-Bas le 9 septembre 1994. Et pour débuter, c'était un autre groupe originaire de la ville de Manchester, en Angleterre, soit 808 State, qui nous offrait sa composition Nimbus, extraite de son quatrième album Gorgeous, lancé en 1993. Et Audiomatique se poursuit sans attendre sur la musique de DJ Muggs de Black Goat. You're gonna stand there and make faces all night, or you're gonna tell us what happened? Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre la pièce Machine de Sonic Youth qui apparaît sur la plus récente parution du groupe intitulée In Out In. Cet album, publié il y a quelques semaines, regroupe des pièces réalisées par Sonic Youth dans les années 2000, mais n'ayant pas été publiées en format physique. Par exemple, la pièce Machine que nous avons écoutée a été composée en 2008 durant les sessions qui ont mené à l'album The Eternal. Avant Sonic Youth, nous entendions DJ Muggs de Black Goat, qui est le projet de Lawrence Mugrod, bien connu comme membre fondateur de la formation hip-hop Cypress Hill et du collectif The Soul Assassins. Donc, de son projet solo de Black Goat, nous avons écouté la pièce Nigrum Mortem, tirée de l'album Dies Occidentum, paru en 2021. C'est au tour du duo écossais Boards of Canada de se faire entendre à Audiomatique. Thank you. Nous vous avons offert à Audiomatique la musique du groupe anglais The Orb. De son cinquième album, Cydonia, paru en 2001, nous avons entendu la chanson Ghost Dancing, à laquelle participe la chanteuse Nina Walsh. Et tout juste avant, c'était le duo écossais Boards of Canada, de son mini-album In a Beautiful Place Out in the Country, lancé en 2000, nous vous avons présenté la pièce Kid for Today. Les quatre pièces de ce mini-album ont été inspirées par le siège de Waco au Texas, un blocus qui s'est déroulé du 28 février au 19 avril 1993 à la résidence du groupe religieux Les Davidiens à Elk, près de Waco au Texas, et qui a provoqué la mort de 86 personnes. Nous terminerons cette transmission d'Audiomatique sur la musique de la formation Swerve Driver, de qui nous allons entendre la pièce Never Lose That Feeling, Never Learn, apparaissant sur leur deuxième album Mescalhead, paru en 1993. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes Facebook.com/audiomatique CFOU et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et voici pour terminer Swerve Driver, la pièce Never Lose That Feeling, Never Learn. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. We'll be right back.